Oh, même plus tard, on ne les connaît pas toujours, fit-elle enfin bizarrement. Son ton énigmatique et sentencieux m'irritait, car je suis de naturel trop franc pour m'accommoder aisément du mystère. Me tournant vers elle, je la priai d'expliquer ce qu'elle sous-entendait par là. « Rien, mon ami, reprit-elle tristement. Je songeais seulement que tantôt tu souhaitais qu'on t'avertisse de ce que tu ne remarquais pas. Et alors je me disais qu'il n'est pas aisé d'avertir. J'ai dit que j'avais horreur du mystère et par principe je me refuse au sous-entendu. Quand tu voudras que je te comprenne, tu tâcheras de t'exprimer plus clairement, repartis-je, d'une manière peut-être un peu brutale et que je regrettai tout aussitôt. Car je vis un instant ses lèvres trembler. Elle détourna la tête, puis, se levant, fit quelques pas, hésitant et comme chancelant dans la pièce. « Mais enfin, Amélie, m'écriai-je, pourquoi continues-tu à te désoler, à présent que tout est réparé ?» Je sentais que mon regard la gênait, et c'est le dos tourné, m'accoudant à la table et la tête appuyée contre la main que je lui dis « Je t'ai parlé durement tout à l'heure, pardon. » Alors je l'entendis s'approcher de moi, puis je sentis ses doigts se poser doucement sur mon front, tandis qu'elle disait d'une voix tendre et pleine de larmes « Mon pauvre ami !» Puis aussitôt, elle quitta la pièce. Les phrases d'Amélie, qui me paraissaient alors mystérieuses, s'éclairèrent pour moi peu ensuite. Je les ai rapportées telles qu'elles m'apparurent d'abord, et ce jour-là, je compris seulement qu'il était temps que Gertrude partît. 12 mars. Je m'étais imposé ce devoir de consacrer quotidiennement un peu de temps à Gertrude. C'était, suivant les occupations de chaque jour, quelques heures ou quelques instants. Le lendemain du jour où j'avais eu cette conversation avec Amélie, je me trouvais assez libre, et le beau temps y invitant, j'entraînais Gertrude à travers la forêt jusqu'à ce repli du Jura où, à travers le rideau des branches et par-delà l'immense pays dominé, le regard, quand le temps éclaire par-dessus une brume légère, découvre l'émerveillement des Alpes blanches. Le soleil déclinait déjà sur notre gauche quand nous parvînmes à l'endroit où nous avions coutume de nous asseoir. Une prairie, à l'herbe à la fois rase et drue, dévalait à nos pieds. Plus loin pâturaient quelques vaches. Chacune d'elles, dans ses troupeaux de montagne, porte une cloche au cou. « Elles dessinent le paysage, » disait Gertrude en écoutant leur tintement. Elle me demanda, comme à chaque promenade, de lui décrire l'endroit où nous nous arrêtions. « Mais, lui dis-je, tu le connais déjà, c'est l'Orée, d'où l'on voit les Alpes. Est-ce qu'on les voit bien aujourd'hui ? On voit leur splendeur tout entière. Vous m'avez dit qu'elles étaient chaque jour un peu différentes. À quoi les comparerais-je aujourd'hui ? À la soif d'un plein jour d'été. Avant ce soir, elles auront achevé de se dissoudre dans l'air. « Je voudrais que vous me disiez s'il y a des lys dans la grande prairie devant nous. »« Non, Gertrude, les lys ne croissent pas sur ces hauteurs, ou seulement quelques espèces rares. »« Pas ceux que l'on appelle les lys des champs ?»« Il n'y a pas de lys dans les champs. »« Même pas dans les champs des environs de Neuchâtel ?»« Il n'y a pas de lys des champs. »« Alors pourquoi le Seigneur nous dit-il « Regardez les lys des champs ?» Il y en avait sans doute de son temps pour qu'ils le disent, mais les cultures des hommes les ont fait disparaître. Je me rappelle que vous m'avez dit souvent que le plus grand besoin de cette terre est de confiance et d'amour. Ne pensez-vous pas qu'avec un peu plus de confiance, l'homme recommencerait de les voir ? Moi, quand j'écoute cette parole, je vous assure que je les vois. Je vais vous les décrire, voulez-vous ? On dirait des cloches de flammes, de grandes cloches d'azur emplies du parfum de l'amour, et que balance le vent du soir. Pourquoi me dites-vous qu'il n'y en a pas, là, devant nous ? Je les sens, j'en vois la prairie tout emplie. Ils ne sont pas plus beaux que tu les vois, ma Gertrude. Dites qu'ils ne sont pas moins beaux. Ils sont aussi beaux que tu les vois. Et je vous dis en vérité que Salomon, même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux, dit-elle, citant les paroles du Christ. Et d'entendre sa voix si mélodieuse, il me sembla que j'écoutais ces mots pour la première fois. « Dans toute sa gloire » répéta-t-elle pensivement. Puis elle demeura quelque temps silencieuse, et je repris. « Je te l'ai dit, Gertrude, ceux qui ont des yeux sont ceux qui ne savent pas regarder. » Et du fond de mon cœur, j'entendais s'élever cette prière.